Macho. Enculé. Je suis qu'un humain, je suis comme les autres, je me prends la tête et j'analyse, les connards se banalisent. Avant que je me pète, il faut que je me canalise. C'est tellement rare de rester vrai, croiser des mentales très purs. Ton discours en paie les frais, de quoi tu parles, je m'en bats les burnes. On n'achète pas le charisme en pitance. Pas besoin d'imiter, je suis de famille d'immigrés, j'emmerde ton racisme anti-blanc. Arrête l'avant-artiste de jouer l'actrice si tu râles très tôt. À croire qu'il faut le flot de charisme pour pouvoir faire du rap ghetto. Allez qu'on me parle, briller trop fort, plus que les bons cassa. Aragasser le cassa, loin de clan, j'ai si à casta. Y'a trop de trucs affolants ou cruels crades bloqués dans nos crânes. Et quand je bicrache, je faisais mes mots, le 16 fera 10 grammes. Viens check mes potes, tu seras où est le point d'ancrage. C'est la rage d'une époque qui dans quelques années manquera. J'ai pas les propos qu'ils souhaitent pour pouvoir cracher dans un microphone. Parce que ça tue, mais ça tue quand j'écris trop fort. On gueule comme des connards jusqu'à plus voir. Loin des connasses dans la grande déconnade comme t'as pu voir. C'est loin d'être bonnard, le temps passe sans le voir. J'ai qu'un gars sans foi, donc on mérite d'avoir un temps pas sans le voir. Non mais vois-tu le dégoût de là où on vit tout le décor. À l'envers suivant ton prix, nous on peut te raccourcir les corps. Indifférent de toute la crasse qui paraîtra ludique. Les sens sont crasses, histoire de joindre l'agréable à l'utile. Me dis pas que ça tue quand c'est atroce. Nier d'approche, je suis dans le brouillard, jeune débrouillard, je suis sous comme les sales gosses. Triste et gortisé dans le jour vu que la nuit se passe en sud. Boucler tes couples, tu transpites depuis qu'on sait que la patience lutte. On crache en but, des dictats et on se fout que le monde s'empire. C'est du sang brut, faut que t'aies l'écart, c'est pour pas le sentir. Ça transpire, pire, ta pizza traîne, on récupère les croûtes. Consciencieux complètement sous, il faut que ça plaise à la première écoute. Il faut que le son tabasse, on se fout la race avec nos gars fougueux. Je me fous que tu brasses, j'emmerde tes liasses et je t'avoue que le mal m'a eu et ça m'amuse. Geste crapuleux, il parle de crapuche. Caricature et fume que du crapuleux. Mais vas-y, ferme ta gueule. Des bons cages à café, l'enfant des matelassés, caillassé. Ton scène en baisse lassé, ivre mort, délire d'ivrogne. Faut que tu te la mettes, 16h, je suis déjà mort. Désolé si j'ai foutu la merde. Allez, arrête, Fater, je crois que t'es pas calé. J'suis pas du pas de calé, carnassier. Et j'suis pas. Mais pas de passé, pas de décès, ma tête. Fuck!